Allô? Allô? Oui, bonjour, bonsoir, mes chers amis. Oh gosh. Nous revoici hein, aujourd'hui encore tout cela. Voilà, on arrange. Voilà, nous revoici tous là pour la Congo. Merci pour la Kozalawana. Et merci pour la Kota Gebaninga Bakota, tous ceux-là, Mouké. Et aux abissos à Ngwaya, comme toujours. Mon ami Ngwaya, toi, on doit se parler, hein? Tout a toujours une synergie entre Yonangri. Hein. Tokozwa tant mingité, tout sur la mouké. Comme qui dirait que Nambo Kanabiso et Loka Oloba, ils ont raté parce que chaque fois, et Loko, ils allient toujours. Il y a toujours quelque chose. Alors, moi, je suis allé à Kambarolo Bezate. Même si Tolingaki Koya Kolobate, ou bien un autre programme, Ezalaki, et que ce programme est raté, alors, y a toujours quelque chose, il y a Koluka, dans ma Kambetali Congo pour que Toloba. Bon, comme je l'ai dit, Zalaki na programme Yakoloba, na chaîne na bisoté. Ce sont des choses où il y a un souci pour Tolobayango parce que alors, ce que nous reprochons na batu mususu bisopeto salagayangote. Donc, eloko lingi basala yote, yope ko sala muningate. Tolobane wana lingala, n'est-ce pas? Voilà, donc, j'avais reçu une invitation d'un ami. Bon, quand je dis ami, souvent congolais, Hermoka exagéraka. Ami, na sens moko, figuré dans. Ce que je voulais dire, Ezali, que Yebani, on se communique pour la Makambu Yaba Live Nabiso. Ça fait 2 semaines qu'il est derrière moi, dans les Kanachen. Ça fait 2 semaines, parce que nous avons occupé à tout moment, tous les programmés, mais ils ont Simbakati. Mais il est toujours derrière Ngaï pour tout ça, la émission, la chaîne. Et voilà, il y a 2 jours passés, tout y est qu'on a conclusion. Bon, en tout cas, tout ça, l'ango, dimanche. C'était prévu samedi, mais samedi, moi, exactement, j'avais une autre réunion. Tout ça, l'ango, dimanche. Il faut qu'on y ait Bandeko, R Nabiso, R Tozali, Kotoyo, na R Binobozali, Ezandenge Mokote. Dans le moment où on est tout solo là, Awa, Awa, Ngalazali, 5 heures. 5 heures na tongo. Ndeko oyo avandi na ngambu ya Europe. Heure na biso ekokani te. Toyokani, tokosala emission Les samedi. Samedi, moyen exact, des jours avant, tu es qu'aux oiseaux conclusion, tout ça l'ango dimanche. Bon, tout le bas dimanche, na air ya Europe. Parce que air ya koto, c'est aux Ali, c'est lundi. Tu y okani bien. Ndeko o to solo la ganaye, a yebi air biso to zali. Aza in culte te. A yebi air to zali. To komi na 3 heures du matin, ndeko o ya bengi ngayi. As telephone est sonné à Bengingaï. Je dors. Tu yo kanaki. Er na biso koto ba 5h quelques, donc disons 4h30. Et paye na bango kuna na Europe 21h30. Tu yo kanaki bien. 3h, il m'appelle. Na joui téléphone te na tindi message. Mon ami, na 3h awa na zo lala. Et ce qui, aux gens du Kambakoloba, il faut écrire seulement texte que Obenga, que je me réveille, n'a pas tout moussou sous lali, balamouka. Parce que quand je parle avec toi, dans la chambre, batou bazali na chambre, disons, moto azali na chambre, à kolamouka. Alors, vaut mieux au coma, parce que, oui, bien, Ertuzali, il est 3 heures ici. Déco, bon. A komika ka limbisa, c'est tout. Et comme il y a émission, nazo zela, nazo mona eloko moko te, na bongami, nazo zela émission, nazo mona te. Alors, et par la suite, na bengi, téléphone, nazo yambate, et je vérifie, nazo mona ye, na chaîne na ye, nazo sa l'émission. Voyez-vous, bah, Congolais, n'est-ce pas, Zali? Congolais, sont là qui s'y est mis, nous, à commission, camarade, naïe. Et pourtant, n'est-ce pas, Zali, les qui n'a moussika. Zali, les qui, quand même, il faut tous se respecter, quand même, hein. Zali, n'a pas belé à Kosala. Et ce qui n'a dit, mis, n'a joué même 1 heure. Naïa, na émission, na yoto solo là. Ça ne signifie pas que tu as un camarade. Ça ne signifie pas que quand même ma blague y a ndengwa il faut saler ma quand même. O boya ko sekana ba congolais ma bé. On dit ma ko sekana ba congolais donc tout le monde veut blague avec toi. Ou juste aux abattoirs modèle ni. Ne fiche que ce que monique moyen exacté. Envoie-moi un message ou bien non en tout cas prof. Limbisa na monike to salango lelo te to salango mokolo mosusu. Et je vais continuer à kolala na kolala. Ala musinga na d'abord na ke lala erni na ke lala 2 heures. Nazalaki na makamo mosusu 2 heures na ke lala. 3 heures donc 1 heure après ala musinga na téléphone. Na ebiche na zo lala makamo lingolo ba koma na texto. Alors comme to yokanaki 4h30. Na Air Europe, na wosa la émission naï. Je dois les respecter quand même parce que les engagements na zui. Je ne suis pas Félix ou ya boya ka engagement. 4h30 na la mouki. Donc na lali kaka 1h30. Je l'attends na bongisi, tout, je l'attends na mon émission Tobanda. Je ne le vois pas, message exact et le côté, na bengi, téléphone na zo yambate, na luka na ke na réseaux sociaux na talaye, et je le vois, azo sa l'émission na ye. Sans me dire, prof Lala, to sa la er msou, jour msousou. On a commis une erreur vraiment, Yakobima, dans le milieu congolais. Ce qui n'a pas il y a des ceux qui m'ont donné des conseils. Je refusais de donner les Congolais pour un réfugié ou bien quoi que ce soit. Prof, l'imbissot, tout ça, Kakabandeko. Nazaka Angamou, Nassal Sarabatouté, Batoisa Sarabatoisé, Bélé. Mais quand même, Nathan, ou Tosali qui camarade, il faut qu'on y ait, Moutou, ou même Tosali, n'a qui camarade, Azali, quand même, Mokolonangai. Je vais vous dire une chose. Un jour, M. Honoré Nguanda voulait parler avec moi. Moi, je suis un camarade d'Honoré Nguanda. honoré ngwana za mokolo na ngana musika na experience na age aza mokolo na ngana musika mokolo na ngana musika. Alors natango alinga osolana ngai la personne o alinga ya connecter téléphone et chez non azali kulutu na ngai aza mokolo na ngai ngande na benga ye. Et ye moko humble qu'il est, il me dit non, et ça le lo te le kinangai, nga moko na robenga yo. To yokani ko sa l'émission na 21h30. Message jeté le côté, qu'est-ce que moi je veux faire? Bon, et ça qui juste entre bisou dans la famille, hein, il faut cela makamususu. Oyo, ça ne marche pas. Parce que ma culture peut être aux oiseaux, avec la culture que moi j'ai à Awa, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu aies un message. Retard et Zali, tu aies un message. Pour reporter émission, tu aies un message. Pas un silence comme ça, tu es au cani et aux athées. Message et athées, et voilà. Donc, je regrette. Bon, merci. Yanga lobi et pas n'abuse ma cambo lobi zanga raté toko zanga loka kolobate quand même. Nous sommes passés na chaîne n'abuse mon goto loba quand même quelque chose. Voilà donc hello kato ri koloba un ezali ba consultation ezo continue toujours. Je ne sais pas si ba citoyen yon 100 millions d'habitants qui seront consultés. Ah 100 millions t'es parce que la diaspora ezali concerné t'es. Biso diaspora t'osa concerné t'es. Alors, ce que l'ongoli diaspora, tu as 10 millions, les restes consultés, bango, ti mandat na ye kosi la, a vous allez toujours na kate ba consultation. Et lo koto linko lobela a wa moke poto longwa, ezali oyoba bengi meeting aérien. Meeting veut dire quoi? Meeting ezali na anglais. Angola balobaka anglais te, Congo balobaka anglais te. Mais je ne comprends pas quelque chose, un petit programme où ils ont engagé Angola na Congo. Je ne sais pas pourquoi le mot anglais koti na kati parce que langue officielle ya Congo ezali français et langue officielle ya Angola ezali portugais. Alors, meeting aérien. Meeting na ebité bon on peut emprunter des mots anglais hein? Anglais français er moko ba s'emprunter ka ba mot mais ce qui nous concerne les aller juste le fond il y a eloko ngo meeting aérien meeting eli ko ba kokutana meeting to meet kokutana se rencontrer alors kokutana ezali mutu moko te kokutana ezali bato mibale ou misatu donc 1 plus n ba groupe bato mibale ou bato ebele meeting Félix Tamboli na ba consultation annonce qui akei na Congo Brazza akei na Angola kuna ke ko senga bango ba salisa ye ba soutenir ye na consultation na ye ake na Angola a sengi na président angolais a soutenir ye na consultation na ye alors toye komona ba avion de guerre mibale des avions fabriqués vers les années 60 ba avion wana na bamboka oyo bazali sérieux na bamboka oyo bazali concerné na changement climatique batwana bakolinga ba avion ane matali koloté parce que ezo ko polluer atmosphère na biso na milinga Bon, mais en Afrique, dans ma pays, Moussousou, même si Biloko déjà Babouaka il y a 1940, on utilise sans problème exacté parce que Tozana Mako qui met, Tozana Batu, oh, Bazana volonté, Yako Sali Sabambo Kanabisote. Toyebi que Congo ezali na besoin ya ba avion de guerre. Toyebi que Congo azana besoin ya Minduki. Toyebi que Congo a besoin de bas militaires. Ce que au Talibien Mbokanabiso et si Kapenza Congo a besoin de bas avions de guerre, besoin de Mindouki, besoin de bas militaires, et Zalina Est Nabiso. Est Nabiso, jour Moko Ezo Lekate, sans que Moutoua Koufa. Sans Keba Boma, sans Keba Kata, sans Keba Zokisa, sans Keba Violé. Et j'allais le komalamu, ce qui Moutouba Bengi, président de la République, a kéina Bamboka Moussousou, a senga air yandengana yab avion de guerre. Peut-être qu'on diminue ba massacre ou les akole kanamboka na pisona Est. Même na cadre moko ya dissuasion. Ba avion de guerre na tango e mati na ciel. Ya zone de guerre, ya zone na ba ya zone de guerre, ya zone d'occupation. Batu wana banguna na biso ba kozala na moko banga. Peut-être avion moko e mati, mais batu o bazali peut-être na 5 km, 10 km. Balingaki basa l'opération akoboma batu na biso. Bako sala yango soute. Bako mouda, soute to bouge, tala avion. Bako bombarde biso. Mes chers frères et sœurs, batu ebele balobi mwana mboka zali na pouvoir. Mwana mboka ebi situation ya mboka na biso, situation ya Est. Akendaki na Est, batu a Est bakutani na ye, ba ebi si ye. Calvaire na bango. Ndeko oyo mwana mboka qui est conscient, béton, les grands diplomates, expérimentés. Azana master na marketing. Akei na Angola ko defa ba avion de guerre. Ba avion de guerre wana ekende ko bombarder banguna na biso te na Est. Ekende ko intimide banguna na biso te na Est. Ba avion de guerre wana a defi yango po eya ko intimide bana Kinshasa. Kinshasa ezali na guerre te. Kinshasa ezali na phénomène kuluna. Et ce que tali malam bakulu na wana, bazali batu oyo, bazali kotindama na FCC ya Kabila, na UDPS ya Yemoko Félix. Bango batu bazo, ça là, c'est qu'on appelle la prolifération de banditisme. Ce qui va sepelite na politique, bake koluka ba wewa, ba pesi bango ba machette, pour que bakata batu mitu na kishasa bazo kisabatu e batu kishasa ba lenga ba banga kobima Kabila pe ndenge moko si y a quelque chose qui se passe batu na ye bake ko recruter ba bandi bandeko na biso o bazali marginalisé pour que ba terroriser batu ya kishasa mais pour lutter contre Bakuluna na kata Kinshasa, vous n'avez pas besoin d'avion de guerre. Bozana besoin ya police ya makasi, service ya intelligence ya makasi. Vous n'allez pas bombarder Kinshasa. Kinshasa ezali ville, ezali métropole, ou ezali na plus de 12 millions d'habitants. Vous n'allez pas bombarder Kinshasa. Kinshasa n'est pas en guerre. Bande konabisu ya Est bazoze la. Bandeko ya Est bazo zela. promesse ya Félix ya kosilisa mobulu bana es na tango ba mona ki Félix na Angola na tango ba yoi ki Félix ake ko luka avion de guerre na Angola bande ko na biso ya est bazala ki ne sengo makasi ke malembe malembe Félix azo ke ne kosilisa mobulu oyo ya banguna bazo kotse pa ina biso Nzoka nde bavion de guerre Félix Aké defa ezali pona ko protéger ye a intimider batu bazoko mana ba réseaux sociaux oyo bazali ko loba na réseaux sociaux bana Kinshasa a intimider bango ba bimate ba télémate ba kosolate ba bougete ba pemate Là je m'adresse na yonde ko mutozo landangai oyo jusqu'aujourd'hui Na mutu na yo ozali espoir na mutu babengi Félix. Vous comprenez que Félix a koyi kosala nyonso pour pouvoir na ye ezala etikalati ye swakoya ndenge balobaki. A kosala l'effort moko te po na yo ndeko vandi na Est, malheureusement. Po na bana na biso na Est, ba mama na biso na Est. Félix a kosala nyonso pou ke pouvoir na ye ezalawana azalawana ti ye swakoya. Ndeko même na acte ya boye, grave. Ozali toujours n'espoir pou na Félix. Ozali toujours n'espoir pou na Félix. Sur le plan Il y a une institution à Bissau. Vous vous rappelez, partenaire, directeur de cabinet, il y a Félix. Oyo Azali na Boloko Ndako. Lelo na Boloko, Alai na Boloko, Batusoki Bazaki Diba, Akekola na Ndako. Soki ba Monye na Ndako, Azongi na Boloko. Balobi consultation. Lokola yebi ke ba dialogue le kaka mingi mingi na centre nganda ou bien papa catholique yewana maladie sili ake kovanda na centre nganda po ayebi ke soki dialogue ezali e ko leka na centre nganda pour que yepe azala na kati mais c'est un gars qui a détourné des millions de dollars vous vous rappelez que ce monsieur qui s'appelle Vital Kamerhe Azalaki président ya Assemblée nationale. Na tango alongwe président ya Assemblée nationale ye moko aye koloba na biso. Alobi alongwe na Assemblée nationale a démissionné parce que violation grave ya constitution na biso e uti ko salema et pa ya Kabila. C'est lui-même Vital Kamerhe qui nous a dit ça. Ba vidéo ezali. Violation nini. Kabila a permis na armée rwandaise bakota na mboka na biso sans autorisation ya parlement. Cette constitution banda Vital Kamerhe était président de l'Assemblée nationale. Tozwa na constitution mususu te yango ka kezali ti lelo. Kamerhe a démissionné parce que le président de la République, Kabila, à cette époque, n'a pas respecté la loi, donc la constitution de notre pays. Il a invité l'armée étrangère, bakota na mboka na biso, sans autorisation ya parlement. Aujourd'hui, voilà. Tozali na président Oyo Aouti na parti politique très légaliste, très démocratique, Yamboka na biso. Parti politique Oyo Esika père, ya démocratie Aouta. Parti politique Oyo Tozwa le premier docteur na droit Aouta. Parti politique où il était 37 ans, il y a lutte contre ba tu valeur contre ba violation ya ba ya ba ya constitution et na parti politique wana bazui n'importe qui te mwana na ye moko biologique et mwana na ye semble-t-il politique. Voilà, ce petit garçon arrive au pouvoir, accueillit Angola, invite l'armée angolaise, Bakota, Nakatia Mboka Nabiso, basillonner espace, ya territoire Nabiso, sans autorisation, ya soi-disant parlement na Bango. Tokene na hypothèse, ya balégaliste oyo bazali. Et bango pe batu ba produisa ba juriste e belé na mboka na biso. Et si ka président na biso a outa, mboka outa, province a outa, ezali province oye produire beaucoup de légalistes ba juriste na mboka na biso. Alors, vous comprenez que situation ezali malamouté dans le sens que ndeko oyo franchement ezali liboma. Violer constitution, violer la loi pour que o loué ba avion de guerre, o kende ko intimider banguna na biso. O kende ko intimider banguna na biso na est. Pour comprendre yango, on peut comprendre parce que on peut violer la loi pour nous sauver le peuple na yo. Ba avion mi balé soki ba bengango soki ba sukoi soki ba sukoi fabriqué vers les années 60 coûté vers les années 30 et tamboli me wane zali ba avion de guerre te soki bo lobby siko bo voir considérons Angola avion de guerre. Considérons maintenant que ezali oyobino bobengi meeting. Meeting ezali moto moko te ezali batu ebele. Mi balé ou bien batu ebele. Nga iso ki na vandinga moko na mesa na ngana olobate ke nazana meeting. Non. Mais soki na bengi moto msu to osola ndenge ngana bino to osola boye. Bandeko bazana YouTube bakomona Zoom ezali meeting. To osola ngai na bino. Na zanga moko te tozo sola na bino bozola na ngai. Bande kope na Facebook ndenge moko toza yi na meeting. Nga moko te ngai na bino. Mendeko oyo aye ko sala buzoba esala ngando. Aye ko sala bêtise. Yango na wuti koloba ke azali vraiment liboma. Bon. Na ba mboka na ba coopération ba mboka ba contact nyonso to salaka ba pays nyonso amitié zate sauf intérêt. Bandeko ya Félix botuna ndeko na bino. Esika kendeki na Angola asali deal nini? Asigné nini? Po ye partout akendaka il signe. Ye partout akendaka, il signe. Akena Genève a signé. Akena na Nairobi a signé. Akena Kingakati a signé. Na Angola isika akendaki a signé nini. Parce que ton moni bavion de guerre Angola. En échange, qu'est-ce qu'il a donné na Angola? Entre parenthèses, voyez bake, ba consultation na ye o azosalisa. 10 millions de dollars ils allaient décaisser dans le trésor public. 10 millions de dollars américains décaissés dans le trésor public pour la consultation il y a Félix. Mboka oyo ezali na bomengwe belé mbongwe belé peuple bazana mbongwe belé tellement mbongwe tikali msala msusa ko sala nango ezate il faut ko sakana na mbongo nenge balingi 10 millions de dollars. Ye soki likambo ezate, il provoque des histoires pour que mbongwe bima. anniversaire ya indépendance 6 millions elinga ezala dekese soki to telemelaka yango te mais les 6 millions ebima projet ya 100 jours ba 600 millions de dollars ebima question tozali kotuna a signé nini na Angola. Angola ko iko bimisa jamais ba avion de guerre na ye atinda ngo na Congo sans quelque chose en contrepartie. Botu na ye nde konabino qu'est-ce qu'il a signé? Bande konangai bato ya Félix. Na ye bité. Il semblerait que l'école est commis gratuite. Bozonga dans la classe, pardon. Vous savez, la seule façon y'a qu'on aide n'de qu'on a bino président, ezali kosala musala. La seule réponse, oyo boko yiko pesa, na biso ba tozali ko critiquer n'de qu'on a bino, ezali komema ba preuve ya musala. On ne dirige pas un pays par les biceps. On ne dirige pas un pays par des arrestations, des insultes, des attaques, des tueries. Ba dirige kamboka ndenga na te, ba dirige kamboka na mutu, na makofite, ba dirige kamboka na mutu. Alors, mutu mususu akoyiko koma kokota na pouvoir. Akoti na pouvoir na mutute. Akoti na pouvoir na makofi na muyibi na lukuta. Ndeko oyo so akoti na pouvoir azali na mutute. Il faut recourir na makofi. Il faut recourir na koboma. Il faut recourir na kofinga. Il faut recourir na batak. Il faut recourir na barrestation. Parce que en contrepartie, il y a ma critique et là comme sur les actes à part ma kofi ko attaquer, ko arrêter, ko boma. Exacté. Ce qui bouline que ça les sande konabino. Bossa les aye na musala, bossa la musala et monana. Ce qui biso te ko critiquer te lobby ah Félix a yibite. Hein? Bobi misa ba preuve, wolo ba non a yibite. Mbongo bozolo ba Félix a yibi. 15 millions, tala musala Félix a salaki nango, yango, yango. Bande konabino, o bazali pembe nesika musala ne salaki. Boye bisa bango ba yako tala, bako mona. Soki to lobi to kritike Félix non, a engagé plus de 700 personnes na présidence kaka bande konaye. Ya tribi na ye, ya famille na ye. Bino boya ko répondre biso avec ba preuve te critique na bino ezali lokuta bota la liste ya bato ya présidence bazali 700 ya solo mais ndenge bolobi ke la plupart bango nyonso bazali bandeko na ye bakasayen ezali lokuta bota la ndeko boye muta bandundu ndeko boye équateur ndeko boye bakongo ndeko boye kivu ndeko boye oriental ndeko boye katanga ndeko boye kasai ndeko boye alors wapi esika Félix a engagé baluba majorité baluba ezali te. Est-ce que mutakolo basuli kamwana mutakolo bazate? Fati beton gratuité de l'enseignement. To critiquer. Oh non. Vous critiquer, hein? Bokosi bandeko. Gratuité de l'enseignement ezali effective. Botala to filmer bekol. Botala bana. Botala ba parent. Mutu moko te azolo ba makambwana bana bango bazotanga gratuitement. Est-ce que to sala so ba critiquer na? To sala te. Critique na biso Félix arata école bandeko critique na bino ezali lokuta bota l'école Félix atanga bota la ba preuve bota la ba professeur na ye bota la diplôme na ye bota la ba bulletin na ye bota la année atanga ka boleka na école kuna bo vérifier est-ce que critique na kozala source e kozala te voilà la façon ya ko aider ndeko na bino et bino moko pe sur le terrain misala corruption bofundi bakangi Tomoni a ken na prison avant d'y na prison. Mais hélas, bozana ambara, Comment vous lutter contre la corruption et pourtant, bino moko d'abord, vous allez corruption. Comment Félix a lutté contre la corruption? Lui-même, c'est la corruption. Il est là, Azali froui à corruption. A lutté corruption comment? Parce qu'avant de lutter contre la corruption, yomoko zali corruption, yomoko d'abord ok na boulot. Yomoko ok d'abord na boulot. A quoi il lutte contre la corruption? Parce que lui-même, c'est la corruption. A quoi il lutte contre l'anti-valeur? Yomoko anti-valeur. Na yebite bande konabiso soki bazali na problème ya mitu bake ndomona ba bake na ba ba, ba, ba hôpitaux bake ndomona minganga na yebite eloko ni isusu bolingi bomona que Félix n'est pas là pour vous. Félix n'est pas là pour le Congo. Félix azali wana pona poche na ye et poche na ye ezali conditionné, il faut à protéger Kabila. Ce que vous voyez ba geger wana ezali lokuta Mboka est terminé na consultation. Na Kinshasa, rien ne marche. Na Congo, rien ne marche. Administration publique, batou nyonso mesala bazo straté, non, tozo zé la consultation. Alors, ezali une politique dissuasive pour que Bobo sana incapacité na ye. Bobo sana kiki yungu na ye. Botika yena no kimia. Po bolobelie mingi. Alors il faut aller quoi quelque chose pour que ameka ko faire dévier binon. Regard na bino tourner côté mususu. C'est ça son problème. C'est ça son problème. Alors biso to otika kolobate to continue toujours koloba to banda koloba kakaka to yeko mona na ba net biloko mususu bande ko ba bazali ko commenter. Vous avez vu Muzito oyo azali congolais 100% ayebi Muzito très bien. Azali mwana mboka, mais Muzito n'est pas un patriote. Ce qui lelo batoloko la bakabila, bazui makasi, ezali a cause ya bakongole, lokola ba Muzito, lokola ba tiala mwana, lokola ba mende. Alors, on n'a pas de considération na batouana. Mais, ça ne signifie pas que batouana bakoyi kolobelo kwa malungate. Ngana loba toujours batouana tokoyi kozwa bango na résistance na bisoté. Ata olobe loka malam mezana na pembeni parce que aussi au trahir qui a biboara. Aussi au trahir zana na pembeni to mekanan ko étudier état d'âme na yo. Oye ya solo na résistance ou bien aux alliés espions envoyés parce que motoana mbato apeshe makasi ezali yo. Ezali baka lokola Muzito. Mais Muzito, na tango be élection, même voir avant be élection, on a vu que bato ebele bazali koloba na ndeko mususu il semblait comme un Congolais, mais je n'ai pas de preuve, moi. Monsieur Moïse Katumbi. Congolais na yebite. Congolais flatterie oyo e wuta wapi. Baneto manda ko yembe la mobutu bien flatterie oyo e wuta wapi. Na pesa rabino exemple que Muzito azali lokola batu oyo ayibi yo 10 millions de dollars. Aye ko zong sela yo 100 dollars ou bien 1000 dollars. Asombeli yo savon, mafuta, mungwa, sucre. A pesi yo, a komi moutou malam. Mais, ozoye ba teke mbongo wana aye ko pesa yo, ayibi yo yango. Ayibi yo, aye ko zongi sela yo. C'est comme les occidentaux. Occidentaux, ba roya e pa na biso ba yibi biso biloko, ba botoli biso na makasi ba ken nango. Mais vous allez remarquer qu'un pays, ou bien ambassade de Mokoye Bambokawana, Bakosomba, moi, quelques sacs, il y a l'eau sur la petite population. Ah oui, bah Américain, bah ça, bah tout malam. Ah oui, bah Français, bah tout malam, bah ça, les Sibiso. Mbongwane outi na trésor, na taxe, y'a bah Français, t'es. Mbongwane outi, y'a pas na bino moko. Un jour, un ambassadeur me dit ceci. Ex-ambassadeur, y'a France. Toujours solo là. Et ça, qui est à Genève. Tout ce qu'on y a, na pause, toujours solo là. Moutouna moutouake, bah télém, na coin, toujours solo là. William Swingaye. Bon, mon abat photo, sauf que na Facebook, n'a pas mon William Swing. Bah, tu vas congolais, bah, y'a William Swing, Swing très bien, Coco Swing, alors qu'il est ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Après, un ex-ambassadeur, il y a Grande-Bretagne, y'a. Ambassadeur, ex-ambassadeur, pays à France, na Congo, y'a. Un ami, Oyo Azali, pays na organisation. Mingi Mingi qui s'occupe de la sécurité na Burkina Faso. Aïe, tu bani ko solo là. To telemi. Na kangi photo na Coco Swing. Photo a des na Facebook na ngai. To bandi ma solo ya Congo. Nga mutu na kotsa ma solo ya Congo. Na yusi Coco Swing. Coco Swing, c'est ce que je lui ai dit. Na Lingala. Même si Coco Swing, ba Congolais, ba Linga qui ont mingi, ba pisa koutou, même ba comédie Coco Swing. Mais Coco Swing, vous n'avez pas aidé le Congo. Même si c'est bongo. Coco Swing me dit quoi? Na anglais, si koyo. Coco Swing a lobby. Je sais de quoi vous parlez. Je sais, au Linko loba makambo ya Rwanda. Mais biso ba américain tozali susute na support ya Rwanda alakisi musapi na ancien ambassadeur ya Grande-Bretagne lobi tala bango to telemi ayebisi ngai tala bango bango batu bazo supporter Rwanda biso te biso to longwa deja ko supporter Rwanda L'ami la Burkinabé alobi d'ailleurs eza kaka bino ba américain te kaka ba anglais te bino nyonso ba français tout le monde. Oh là là. Excusez-moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Excusez-moi. Na batu ya Facebook, il y a quelque chose qui s'est passé. Désolé hein. Oh. Oh là là, Facebook est katani hein. Facebook et Katanaki, Bandeko, Bazola, Nagana, Facebook. Oh là là. Naébite, Yawoto Sengarabio, Bandeko, Soui, Tozaï, na live, Bochaka, ba, j'aime Bélé, et Katani, Naébite, pourquoi? Et Katani. Je regrette. Et Katani, na Facebook, mais, na Bandeli, Bandeko, na Facebook, Bokatani, Naébite. Bochaka ba j'aime Ebele, peut-être Ezala qui signalait, Bokatani. Je regrette. Bochaka ba j'aime Ebele. Alors, bah, oh, Bazali, qu'on s'est reconnecté encore. Désolé, Bouteille Kokatana. Désolé. N'a évité pourquoi. Mettez beaucoup de j'aime, hein, s'il vous plaît. Bah, like, bah, j'aime Ebele. Voilà. Merci. On est là. Ok, merci. Merci. Parce que Epananga Katanaki. Voilà. Donc, je disais, Babani Kosola et les solo yaba aide et Kobima. Moi, je dis même ba aide Nabino. Ce qui Otali année 2000, Nazwaki ba année mi balé 2015-2016. Ce qui Otali aide, na terme il y a développement, Babengiango développement. Terme ya développement na makambo nyonso bayedaka ba pays africains. Soko tali mbongo oyo euti na Union européenne. Na ba pays ya Union européenne. Ekei na ba pays subsaharien. Na terme ya ba aide. Ezalaki 1 milliard 339 millions de dollars. Mbongo ebele, n'est-ce pas? Nathan Nkout na loba ki ango ambassadeur ya France, a dit oui, beaucoup d'argent. A dit oui, beaucoup d'argent. C'est bien bon ça. Na continuer na ebisye. C'est ce que vous dites na ba français, c'est ce que vous dites na ba tunabino que tozali ko aider ba africain. Ba tunabino na er ba koyoka chiffre. 1 milliard 339 millions de dollars. Bako ganga, taxe na biso, mbongo na biso, ba africain. Oui, c'est vrai, mbongo ebele. Et na toni bango ndenge bazala ke na bango misato. Est-ce que vous avez déjà pensé à koyebisa batu na bino? Mbongo oyo zo wuta na Afrique, et kende na Europe, en termes ya minere, ya ba ressources naturelles. Batalani. Na ebisi bango kaka na même année le deux années wana 2015-2016 bino botindi na Afrique 1 milliard 339 millions de dollars américains ezali mbongo ebele oui alors mbongo oye wuti na Afrique na terme ya ba minere ba ressources humaines et ba ressources naturelles oye ye na Union européenne 1 milliard 987 millions de dollars. 1 milliard 987 millions de dollars. Alors, na tuni bango question, nani azali kwede nani? Batalani. Ndeko Burkina Faso abakisi. Alobi, j'ai un document na valise nangai, na mallette nangai. Mbongo oyo ambassade ya France, bazali ko pesa, na ville ya Dakar, na Sénégal, na terme ya aide, na ville ya Dakar. Ezali mbongo ezo wuta na France te. Ezali mbongo ba Sénégalais ba futa kapo na visa na kokende na France. Mbongo na ba Français ba zui yango ba pesi na ba bon, soki vit la Dakar ezo na problème ba ke ko pesa na terre na cadre ya aide. Mbongo na bino moko. Visa ya kolongwa un Français po akende na Sénégal. Ezali 20 fois moins cher par rapport à frais à visa d'un Sénégalais à Kenya na France. Na coopération na bango, notre ami Burkinabé a lobby. Na coopération na bango, ezali que ba frais à visa ezala ndenge moko. Soki bo sengi français. Alors en France que na Sénégal. Ce qui frais de visa ezali 10 euros. Sénégalais pour avoir pe visa que na France, il faut ezala pe 10 euros, l'équivalent de 10 euros. Mais ce que les Sénégalais payent c'est 20 fois plus cher que oyo ba français bazali ko futa. Mbongo wana l'équivalence yango ambassade à France atindaka na France. Ba frais ya visa ndenge ezali na mikanda 10 euros na pese exemple ezali 10 euros te l'excédent yango wana ezali mbongo ba sénégalais que l'ambassade ya Sénégal bazali kozwa po soki mwa likambo ezali mwa mbula mwa mayetondi mwa nini bato babukani accident ambassade ya France azui mbongo wana ake kopesa ba sénégalais babeti maboko voilà ba français bazo yende biso zoba africain. Zoba africain. C'est la même chose. Lokola batuba Moïse Katumbi. Moïse Katumbi azalai gouverneur ya province riche ya mboka na biso. Moïse Katumbi azalaki na ba trafic illicite ya ba minerai na biso. Ezali mbongo ya bana Congo, mbongo ya bana Katanga. À la place bosenga ya zongisa mbongo ye azwi mbongo wana azwi mwa miete mwa 100 mwa 1000 dollars asombeli bino masango asombeli bino loso apesi bino bobetele maboko voilà moto akoki kosove mboka yeyo congolais congolais. Je parlais de Moïse Katumbi parce que Mozito l'a cité. Batouba l'a dit quelque part parce que la personne qui a invité Mozito l'a nandaraï shooté. Mais Namouni Batouba Komelingaï. Toyebaï qui avant élection, même après élection, le financier Yalamouka Ezalaki, Moïse Katumbi. Lelo eyeko bima Moïse Katumbi Azalaki financier Yalamouka te. Donc, tout le monde peut venir blaguer avec les Congolais. Moïse Katumbi a été financier à la Moukate. Et il y a un moment où on a dit que Étienne Tshisekedi, avant Koufa, il voulait escroquer tout le monde. Il voulait manger l'argent de tout le monde, entre guillemets. Aller Bambongo côté Kabila, aller à Mobutu d'abord, aller. Mbongo kaka Kabila, Étienne Tshisekedi allait être Mbongo, il y a Laurent Désiré Kabila. Les restes, Mobutu, Joseph Kabila, Tshisekedi à Sakai Ndenge, il y a radical. Tu y bai que financier, il y a IDPS, Nasuka, et Zalaki Moïse Katumbi Kaka. Et Yeko Bima, or, Fayoulou aussi était le financier de l'IDPS. Fayoulou était aussi le financier de l'IDPS. Vous voyez que la famille de Tshisekedi dit Bazolia Mbongo partout, gauche, droite. Famille de Tshisekedi dit Balé Mbongo, Mbongo Anani Balé, Mbongo Mobutu Balé, Mbongo Joseph Kabila Balé, Mbongo ya peuple Imperium, Tilelo, Moutou Moko a yébité, Mbongo Imperium Tshisekedi a tcha wapi. Bana Tshisekedi bala kisabi so testament, Mbongo ya batu Imperium, bo pesa Mbongo pon Imperium, batu ba pesi Mbongo, moi j'ai contribué. Ti lelo rapport exacté. Batu ba finance ka organisation, il faut qu'on paye sa rapport. Mbongo pesi biso voilà, tala makam to sai nango yangoyo. Mais mbongo ya imperium e kenda wapi? Quelqu'un m'écrit à lobi nangai Katumbi azali mwana mboka, c'est un Congolais 100% ngabi aban. Nani o azali na live na biso sikoyo. O ya yoka Katebeka Toto te. Katebeka Toto, Azali Moutou Oyo, un grand commerçant d'Angola, qui est congolais, semble-t-il. Katebeka Toto, Asala interview, Ezali na net. Congolais na ebite Moutou na ye. Batche yango sable ya obasa ilaka béton, ou bien batche ciment. Katebeka Toto l'a dit, une interview, exactée par une personne interposée, T. Katebeka Toto lui-même. Il a expliqué les origines, il y a soi-disant frère Naïe Moïse Katumbi. Katebeka Toto a lobby, yango, yé moko a lobby. Moïse Katumbi, c'est un Zambien. Ndenge bazawana. Ce qui botali Katebeka Toto na Moïse Katumbi, bazali oto bengaka ba métis. C'est-à-dire, na bango ndenge bazali wana bazali produit ya mwasi ya mutu mwindu ou bien mobali ya mutu mwindu na mwasi ou bien mobali ya mundele. Baye ko bota Katebeka Toto, baye ko bota Moïse Katumbi. Na kati ya ba parents na bango, moko azali Congolais, moko azali Mopaya. Congolais ezali mama, nani, mama ya Katebeka Toto azali Congolaise. Ça, c'est Katebeka Toto qui explique. Katebeka Toto a lui, mama na ye Congolaise. Moto mwindu. Papa ya Katebeka Toto, Mundele, Mupaya. Excusez-moi. Mundele Mupaya. Nga mutu na zolo bate Katebeka Toto ki a expliqué. Alors, aïe kolobaboye. Mama ya Moïse Katumbi. C'est une Zambienne. Papa na bango moko yewana. Mama ya Moïse Katumbi, une Zambienne. Papa na ye mundele. La Zambienne noire, papa na ye mundele. Mama ya Katebeka Toto, congolaise. Papa ya Katebeka Toto, mundele. Kaka ye wana aboti, Moïse Katumbi. Donc, Moïse Katumbi na Katebeka Toto bazaba demi-frère. Papa moko mundele. Alors, mundele wana zali mupaya. Mundele wana zali congolete. Mundele wana zali zambiente. Alors, si Katebeka Toto est congolais par sa mère congolaise, mais Katumbi est zambien par sa mère zambienne. C'est clair, Katumbi Katebeka Toto l'a expliqué. Ngam nazolo bate, monsieur noir, noir or. Na ebite, ce que vous allez na ban, excusez-moi que je bloque d'abord noir or. Voilà. Ce sont des imbéciles qui s'ajoutent, Kakabango Moko. Voilà, il est parti. Mais ce que je dis, Ezaïm n'a pas lobby en côté. Peut-être comme il m'a bien passé dans le lobby en côté. Mais Katebeka Toto l'a dit. Oui, monsieur, oh, lobby, yo, tu insultes Moïse. Mais n'a fini Moïse, t'es? Oh. Mais classe, bah, il faut pas qu'il y ait des classes ou bien. Est-ce que j'ai insulté Moïse Katumbi? N'a insulté, il était? Ce que Bolobi a insulté hier, c'est que Katebeka Toto a insulté son frère. Ce que j'ai dit, ils allaient insulter, ou bien vous ne comprenez pas. Dictionnaire peut comme passer, comme cher, il semblerait chez nous. Bon, ce dictionnaire, n'a insulté hier, je ne l'ai pas insulté. Nazo relaté ma fait, oh, Katebeka Toto a l'oba qui vidéo, ils allaient. Katebeka Toto l'a dit, ce qui a zali congolais, c'est par sa mère qui est congolaise, katangaise. Et à l'obinde konaye, demi-frère naye, Moïse Katumbi, maman Moïse Katumbi, azali zambienne. Bazali tata moko, tata yango azali mundele, tata yango azali zambiente, azali congolete. Donc Katebeka Toto azali congolais, parce que maman naye azali congolaise. Moïse Katumbi azali zambien, parce que maman naye azali zambienne. Alors, mabe eza, ko finga azali wapi sikawana. Ou, bakoti ebele, Tati Lukusa, vraiment, tatu Lukusa, na kosite, kede gotala ndekona yo, Katebeka Toto, il l'a dit, je n'ai pas menti, je ne mens pas. C'est ce qu'il a dit. La vidéo est là sur net. Na ebite bandeko bazola na biso na Facebook, soki bokoki ko retrouver vidéo, na botche la bango batala yango. Vidéo est ali, Katebeka Toto parle. Eza ma be parce que vous tina mounoko nangai. Et ça m'a bien parce que outil de mon ngai c'est Katebeka Toto qui l'a dit. Alors, à quel moment monsieur Moïse Katumbi est devenu congolais? Parce que à quoi il cause la paix congolais, même si maman n'a pas dit zambienne, à quoi il cause la nationalité congolaise? Est-ce que tu as le droit à quoi bâti? Nga congolais n'a pas le droit à quoi bâti, moutoutel à comment congolais n'époque ni. On questionne Batulokola Barouberoua, bah comment bah congolais n'a époque ni. Kabila est devenu congolais à l'époque, nin. Et pourquoi pas Moïse Katumbi? Parce que yonde ko lingi Moïse Katumbi, balobela Moïse Katumbi. C'est ce que nous condamnons. Tozo condamné biloko wana. Donc, bon matabo ki tabo longolanga ngote, parce que jusqu'à ce que nous allons voir son demi-frère, ayako lobake mukolo lobake makambo wana. Amela ki masangazala ki na kwiti. Yangwa loba ki makambo wana. Voilà. Na Facebook, kuna bakomi kotia mitu ya Satan. Ger na mi baker. Ba. Alors, je bloque d'abord Tati Lukusa. Voilà. Voilà. Merci. Alors, nalobi mabete na kosite, c'est vrai. Les autres zomona non, Moïse Katumbi yemuta ko sauver mboka, Moïse Katumbi. Mais entre autres batu bazolo wa Moïse Katumbi yemuta ko sauver mboka. Bazali pe parmi batu oyo bazali longona biso o bazo condamné que Félix n'a pas cette capacité. Ya ko diriger Congo. Or, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, ce sont les deux ratés de l'école. Katumbi est parti vendre le poisson sur le marché, à Tikaki Class. Ngam na lobi yango te bandeko na yeba lobi. Katumbi a kené kote ka mbisi na wenze, mbisi a mai, le poisson na wenze, à Tikaki Class. Félix a kote ka pizza, à Tikaki Class. Vous condamnez Félix parce qu'il a kené kote ka pizza à raté classe. Mais Bozali Kobeng za Katumbi aya ko remplacer Félix. Mais Bozali Batumoko, mes frères et sœurs. Bozali lo, mokote. Voilà. Consultation ezali ko continuer tous osé là. Tolobeli yango. Ce que nous demandons na Batu Félix ba yibisa biso deal nini Félix a signé na Angola. Et toyeba parce que tomoni ba avion de guerre. Yangola na territoire na biso bayebisa biso qu'est-ce qui s'est passé au juste toza droit ko yeba yango ezali mboka na biso toza droit ko yeba yango mais déception ezali makasi na bato ya est bande ko na biso ya est ba avion wana il fallait que négocioner na est sika bazobo mabande ko na biso pa Kinshasa na Kinshasa tozaki na besoin ngoti donc ezali ma bêtise oyo ndeko d'abiso Félix Tshisekedi azali ko commettre toujours. Voilà, nalobaki to oume la mingite, c'est ce que nous voulions dire pour aujourd'hui. Tolobaki to sala iner, toza déjà na iner 2 minutes. Tokoti kawana parce que tozali na ba engagement mususu, il faut to sala. Merci mingi pona kolanda biso, merci pona kokabola yango. Merci pour la bande de Kobalobi, Tozali Kokosa, sans apporter à ta moindre preuve, mon côté. Mingi nazo mona, ce sont bakombo so talibien, nazo comprendre. Mais ce que j'ai dit à propos de Moïse Katumbi, ce n'est pas moi. Nazali Oter Nangote, Moutazali Oter Nango, Ezali Katebe Katoto, son grand frère. Yemoko Tabenga qui est moi nanaye, son enfant. Parce que Alobati a expliqué que. Et pas Nabisho, bon, même chez nous, c'est comme ça. Ce qui yaya ba parents, ba zate, ba koufa, yaya bokoli, bana, er moko yaya koma loko la papa na bango, bien maman na bango. C'est ce qu'il a dit, c'est le terme de Katebe Katoto. Alobi a bokola ki Moïse Katumbi comme moana na ye. Alobi Moïse Katumbi, maman na ye zambienne. Ye Katebe, maman na ye congolaise. Bango mi balé papa moko, papa na bango mopaya. Alors, nani azali congolais, nani azali congolais. C'est clair. Si il faut pas me mettre en cours, il y a logique pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Vous comprenez? Allez. Merci Mingi Nabino Nyonso. Wow. Voilà, il ne faut pas suivre ce qui écrivent là, sinon on va s'éterniser à répondre tout le monde. Ok, vous répondrez, Moutoumoussou, s'il vous plaît. Si vous allez mouton de près comme ça, vous regrettez la vie de Yomobimba. Vraiment, mouton n'a pas de répondre. Je suis un moko ya IDPS. A zoa photo ce qui est un anacha. Moukolo mousso a lobi, il faut que vous soyez yo na live. Rabi, mais tellement il m'insulte beaucoup, na yina mona ye. Franchement, na mona moutouana, un d'abord, na zui envie de vomir. N'a regretté ce jour-là, n'a qu'un eu là la 17 heures. Quand j'ai vu Moutou Oyo, à Bande Kofingangaye, n'a qu'un eu là la 17 heures, j'ai regretté pourquoi j'ai répondu. Voilà. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Bye.